السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième assise de la lecture et l'étude de l'épître « Le blâme de la dureté des cœurs, ses causes et remèdes » du grand savant Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. La semaine passée, nous avons vu la première partie de cet épître qui porte sur les preuves concernant le blâme de la dureté des cœurs. L'auteur du livre, dans cette partie, dans la première partie, a mentionné quelques versets, dont le verset 74 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal blâme les cœurs durs et les caractérise comme étant plus durs que la pierre, car effectivement il y a des pierres qui se fendent et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. L'auteur du livre a également cité le verset de Sourate Al-Hadid, dans lequel Allah Azza wa Jal nous interdit d'être semblables aux gens du livre, dont les cœurs se sont endurcis après avoir vendu le livre à vil prix. Nous avons également vu que la dureté du cœur fait partie des pires châtiments qui touchent le serviteur. Dans cette assise, dans cette deuxième partie, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, va citer les causes qui amènent à cette maladie qui est la dureté du cœur. Il est donc essentiel de connaître ces causes pour pouvoir s'en écarter et s'en prémunir. Comme disait le compagnon Hudhayfah ibn al-Yaman, كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, au sujet du bien, et moi je l'interrogeais au sujet du mal de peur que ce mal me touche. De même, le poète a dit: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ. Le poète a dit dans le sens, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver, car celui qui connaît pas le mal du bien tombera dans le mal. Il convient donc d'apprendre ce qui est mal, pas pour le mettre en pratique, mais pour s'en éloigner. Et ceci est la voie qu'Allah Azza wa Jal nous montre et nous enseigne à travers le Coran. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna nous enseigne le mal pour que nous nous en éloignions. Avant d'énumérer les différentes causes qui mènent à la dureté du cœur, il convient ici où nous allons citer quelques signes ou prémices des causes de la dureté du cœur. Parmi ces signes avant-coureurs, il y a le fait de ne pas être touché par l'exhortation. Il y a aussi le fait d'être insensible au Coran, à ses injonctions, à ses ordres. Il y a aussi la faiblesse de foi lorsque la personne se retrouve seule à l'abri des regards face aux interdits d'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a rapporté dans son livre Al-Fawa'id une parole attribuée au compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit: "Utlub qalbaka fi thalathati mawadi'a, 'inda sama'i al-Qur'an wa fi majalisi adh-dhikr wa fi awqati al-khalwa." فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعْطِيَكَ قَلْبًا فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ. Dans le sens de sa parole, il dit: recherche ton cœur dans trois situations: lors de la lecture du Coran, lors des assises de rappel et lorsque tu te retrouves seul à l'abri des regards. Si tu ne le trouves pas dans ces moments, alors demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'as pas de cœur. Parmi les signes également, il y a le fait de peu évoquer Allah ou de ressentir de la lourdeur dans l'évocation d'Allah. Également le fait de ressentir de la largesse dans les péchés, le fait de délaisser les assises des gens du bien. Il y a aussi le fait de ressentir de la lourdeur dans l'accomplissement des adorations et d'autres signes que nous n'avons pas cités. L'auteur du livre commence قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته ذم قسوة القلب وأما أسباب القسوة فكثيرة منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق. L'auteur du livre a dit: en ce qui concerne les causes de la dureté du cœur, elles sont nombreuses. Parmi elles, le fait de beaucoup parler sans évoquer Allah, comme rapporté dans le hadith de Ibn Omar précédemment. Et ce hadith, nous avions cité qu'il a été rendu faible par Cheikh Al-Albani. Le fait de parler beaucoup sans évoquer Allah se divise en plusieurs catégories. Si ce que la personne dit est une chose interdite, alors ceci est interdit que la personne parle beaucoup ou pas. Si la personne parle de façon modérée dans ce qui est permis, alors il n'y a pas de mal à cela. Et si la personne parle beaucoup sans évoquer Allah, alors ceci est blâmable, et c'est ce qui est voulu de la parole de l'auteur. Il a été rapporté qu'un homme parlait en la présence de l'imam Malik, et cet homme parlait beaucoup. L'imam Malik dit de cette personne, il a dit en un laps de temps ce que la personne dit en un mois, dans le but de blâmer cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Car certes, il y a dans le silence la félicité. Nul doute que parler beaucoup sans évoquer Allah durcit le cœur, car le cœur en réalité est alimenté par la langue. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint d'évoquer constamment Allah. Dans le hadith de Abdullah ibn Busr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui lui a demandé conseil: que ta langue ne cesse d'être humide de l'évocation d'Allah. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. De même, cette langue est la cause de mener la personne dans le feu de l'enfer. Dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une œuvre qui le ferait rentrer au paradis et qui l'éloignerait du feu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité un certain nombre d'actions. Et à la fin du hadith, il lui enjoint de préserver sa langue, car elle est la cause de précipiter les gens sur leur visage en enfer. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala a dit: il y a deux caractéristiques qui durcissent le cœur. Il y a deux caractéristiques qui durcissent le cœur: beaucoup parler et manger beaucoup. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit: ومنها نقض العهد مع الله قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. L'auteur du livre cite ici la deuxième cause qui mène à la dureté du cœur, qui est le fait de rompre l'engagement avec Allah Azza wa Jal. Il rapporte le verset dans le sens: puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Sourate Al-Ma'ida, verset 13. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم الآية. Ibn Aqil, rahimahullah, dit un jour dans son exhortation, « Ô toi qui ressens de la dureté dans le cœur, prends garde à ne pas avoir violé l'engagement. » Car Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, « Puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. » L'engagement qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur est qu'il adore Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer, qu'il mette en application ce qu'Allah a ordonné et délaisse ce qu'Allah a interdit. Voilà l'engagement qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. L'imam As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans son explication du Coran concernant le verset « Puis à cause de leur violation de l'engagement », il dit « À cause de la violation de l'engagement, nous leur avons fait subir plusieurs châtiments. Le premier, nous les avons maudits en les chassant et en les privant de notre miséricorde, car de la sorte, ils n'ont fait que fermer devant eux la porte de la miséricorde. Le deuxième châtiment, dans sa parole, est endurci leur cœur. Endurci leur cœur pour devenir insensible aux exhortations, aux versets, et ceci fait partie des pires châtiments que subit l'homme, au point d'avoir un cœur où la guide et le bien n'ont aucun effet sur le cœur, à l'exception du mal. » Fin de citation. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal blâme les gens du livre, qui après avoir pris un engagement avec Allah, l'ont violé et l'ont rompu. Les conséquences de leur violation de l'engagement est qu'Allah Azza wa Jal les a maudits et a rendu leur cœur dur. Voici la deuxième cause qui amène à la dureté du cœur. قال المؤلف l'auteur du livre a dit à la suite منها كثرة الضحك. Parmi les causes qui mènent à la dureté du cœur, le fait de beaucoup rire. وفي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Dans le recueil de At-Tirmidhi, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, « Ne riez pas beaucoup, car rire beaucoup tue le cœur. » Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. La troisième cause qui amène à la dureté du cœur, ou qui amène la dureté du cœur, il y a le fait de rire beaucoup. Et l'auteur du livre s'est appuyé du hadith de Abi Huraira, que nous venons de citer à l'instant. Il y a dans ce hadith, premièrement, la permission de rire, de façon modérée, à voix basse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dans le hadith « ne riez pas », mais il a dit « ne riez pas beaucoup ». Quant au fait de rire beaucoup, alors ceci est blâmable et amène à la dureté du cœur et à sa mort, comme ceci est mentionné dans le hadith. De même, le fait de rire beaucoup démontre le peu de moralité de la personne et son immaturité. Noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, dit concernant ce hadith que le fait de rire beaucoup rend la personne sot et insouciante, et que rire beaucoup a un impact sur le cœur, mais quant au fait de rire de façon modérée, alors il n'y a pas de mal. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de sourire beaucoup. Comme ceci a été rapporté de Aïcha, radiallahu anha, et ceci fait partie du bon comportement. Voici la troisième cause qui amène à la dureté du cœur. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, منها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. L'auteur du livre a dit, parmi les causes de la dureté du cœur, il y a le fait de beaucoup manger, surtout si ce qu'on mange est ambigu ou interdit. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل ذكره أبو نعيم وذكر المروذي في كتاب الورع قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع قال ما أرى. Bishr ibn al-Harith a dit deux traits de caractère ou deux caractéristiques sont des causes de durcir le cœur. Parler beaucoup et manger beaucoup. Al-Marruzi a dit dans le livre Al-Wara, j'ai dit à Abi Abdillah, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal, est-ce que l'homme peut ressentir de la douceur? Est-ce que l'homme peut ressentir de la douceur dans son cœur tout en étant rassasié? Il dit, je ne vois pas. Ou que cela est peu probable. L'auteur du livre, rahimahullah, cite à travers ses récits la quatrième cause qui amène à la dureté du cœur, qui est le fait de manger beaucoup. Manger beaucoup dans ce qui est licite, alors ceci est blâmable et amène à la dureté du cœur. Car manger beaucoup alourdit le corps et ceci mène à la paresse et à l'insouciance du cœur. C'est pour cela que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit, lorsqu'il fut questionné sur l'homme qui est rassasié, est-ce qu'il peut ressentir ou trouver la douceur dans son cœur, il dit, je ne vois pas ou je ne pense pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, le fils de Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il lui est suffisant de prendre quelques bouchées pour maintenir son corps. S'il ne peut se contenter de cela, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air, la respiration. Le noble cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, a commenté ce hadith en disant, dans ce hadith, il y a une mise en garde contre le fait de manger beaucoup, car cela amène à la paresse et à la lourdeur dans les adorations. C'est aussi néfaste pour la santé. Il convient à la personne de se suffire de ce qui va lui permettre de maintenir son corps. Il dit également, on voit à travers ce hadith que la législation est complète et parfaite, car même la manière de manger est régie de la meilleure des manières. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour la respiration. Fin de citation. Le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit à la suite de ce hadith, le hadith du fils de Adam, il dit, il n'y a pas de mal à manger jusqu'à être rassasié par moment, de temps en temps. Et il cita le récit de Abi Huraira et de Ahli Soufa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita et leur donna du lait à boire. Ensuite, Abu Huraira resta avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna du lait et lui dit de boire à plusieurs reprises. Abu Huraira fut tellement rassasié qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé, je ne trouve plus de chemin pour le lait dans mon ventre. Une manière de dire, je suis rassasié. Si ce qui est mangé fait partie des choses ambiguës entre l'illicite et l'illicite, alors ceci également amène à la dureté du cœur. Et il convient de s'en écarter. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de An-Nu'man ibn Bashir. Le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a les choses équivoques, ambiguës. Celui qui les délaisse aura préservé sa religion et son honneur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant à ce qui est interdit, ou qui fait partie des choses interdites, alors la personne aura lié entre la dureté du cœur, le blâme et le péché. Voici la quatrième cause qui mène à la dureté du cœur. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, ومنها كثرة الذنوب. L'auteur du livre a dit, parmi les causes qui mènent à la dureté du cœur, il y a la multiplication de péchés, ou la multitude de péchés. Et ceci est la plus grande cause de dureté du cœur par laquelle nous sommes éprouvés. Et c'est à Allah que l'on prend aide. L'auteur du livre a dit, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَفِي الْمُسْنَدْ وَالتِّرْمِذِي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الترمذي صحيح. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, non, pas du tout, mais ceux qu'ils ont accompli couvrent leur cœur. Surat al-Mutaffifin, verset 14. Ar-Ran, qui est mentionné dans le hadith, est un voile ou un sceau qui est mis sur le cœur à cause des péchés. Dans le musnad de l'imam Ahmad et de At-Tirmidhi, rahimahumallah, d'après Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir sur le cœur. S'il se repent et cesse et implore le pardon, son cœur sera poli de ce point noir. Et s'il rajoute des péchés, on lui rajoute des points noirs jusqu'à ce que les points recouvrent son cœur. Voici le voile qu'Allah a mentionné dans le verset. Non, pas du tout, mais ceux qu'ils ont accompli couvrent leur cœur. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans son explication du Coran concernant ce verset, il dit, dans ce verset, il y a une mise en garde contre les péchés qui, petit à petit, voilent le cœur jusqu'à éteindre et faire disparaître sa lumière et sa clairvoyance. Il faut savoir que les péchés ont des degrés différents et sont de plusieurs catégories. Il se peut que le péché soit la cause de la mort du cœur. Il se peut également qu'il soit la cause de la dureté du cœur. Le pire et le plus grave des péchés est le polythéisme, majeur et mineur. Combien de paroles sont prononcées à longueur de journée, dans lesquelles il y a du polythéisme, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, tel comme sur la vie d'un tel, sur la tête d'un tel, ou des paroles comme c'est grâce à un tel, des paroles prononcées à longueur de journée qui sont en réalité la cause de la dureté du cœur, qui mène à la dureté du cœur. Après le polythéisme, il y a l'innovation. L'innovation dans la religion, qui est aussi également une cause de la dureté du cœur. Vient ensuite les grands péchés comme la fornication, la médisance, la calomnie, les intérêts, le vol, la tricherie, l'alcool, les jeux de hasard, le mensonge et d'autres péchés. Demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout cela. Il convient au serviteur de s'éloigner des péchés, car à chaque fois que le serviteur tombe dans le péché et ne se repent pas, son cœur s'endurcit. Le doué de raison qui a été assisté par Allah se corrige et se repent lors des premiers points noirs, car tout fils d'Adam tombe dans le péché, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Anas, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Tout fils d'Adam commet des fautes et les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. » De même, Allah Azza wa Jal a dit « Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi » Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs? Surat At-Tawba, verset 104. Pour que le repentir soit accepté, il y a des conditions à respecter. Parmi ces conditions, il y a la sincérité dans le repentir, le fait de délaisser le péché, le fait de regretter le péché. Il y a également avoir la ferme intention de ne plus jamais retourner vers ce péché. Il convient également de ne pas regarder la petitesse du péché, mais de regarder la grandeur de celui à qui on désobéit, qui est Allah Azza wa Jal. Il est rapporté dans Abdullah ibn Mas'ud qui disait « Le croyant voit le petit péché comme une montagne au-dessus de sa tête, alors que l'hypocrite voit ses péchés même quand ils sont grands comme une mouche. » Pour terminer, l'auteur du livre a cité la parole de Ibn al-Mubarak, rahimahullah. Il a dit « وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث كالذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها » Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala a dit dans ses vers, j'ai vu que les péchés faisaient mourir le cœur, et le fait de rester dans les péchés amène ou conduit à l'humiliation. Dans le délaissement des péchés, il y a la vie des cœurs, Et ceci est meilleur pour toi de désobéir à ton âme incitatrice au mal. Voici quelques causes que l'auteur du livre a citées dans son épître qui mènent à la dureté du cœur, qui sont au nombre de 5. Le fait de parler beaucoup, de rompre le lien ou de rompre le pacte ou l'engagement avec Allah Azza wa Jal, fait de rire beaucoup, de manger beaucoup, et la cinquième cause qui est la cause principale qui est la multitude de péchés. On demande à Allah Azza wa Jal de purifier nos cœurs, de nous pardonner nos fautes et de nous faciliter le repentir. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous verrons les causes qui dissipent cette dureté du cœur. Car, effectivement, pour toute maladie, il y a un remède. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.